Odelette. Un petit roseau m'a suffi pour faire frémir l'herbe haute et tout le pré et les doux sols et le ruisseau qui chante aussi. Un petit roseau m'a suffi à faire chanter la forêt. Ceux qui passent l'ont entendu au fond du soir en leurs pensées, dans le silence et dans le vent, clair ou perdu, proche ou lointain. Ceux qui passent en leurs pensées, en écoutant au fond d'eux-mêmes, l'entendront encore et l'entendent toujours, qui chante. Il m'a suffi de ce petit roseau, cueilli à la fontaine où vint l'amour, mirer un jour sa face grave et qui pleurait, pour faire pleurer ce qui passe, et trembler l'herbe et frémir l'eau. Et j'ai, du souffle d'un roseau, fait chanter toute la forêt.